Jean Itard, Mémoire sur les premiers développements de Victor de l'Aveyron. Avant-propos. Jeté sur ce globe, sans force physique et sans idée innée, hors d'état d'obéir par lui-même aux lois constitutionnelles de son organisation, qu'il appelle au premier rang du système des êtres, l'homme ne peut trouver qu'au sein de la société la place éminente qui lui fut marquée dans la nature, et serait, sans la civilisation, un des plus faibles et des moins intelligents des animaux. Vérité sans doute bien rebattue, mais qu'on n'a point encore rigoureusement démontrée. Les philosophes qui l'ont émise les premiers, ceux qui l'ont ensuite soutenue et propagée, en ont donné pour preuve l'état physique et moral de quelques peuplades errantes qu'ils ont regardées comme non civilisées, parce qu'elles ne l'étaient point à notre manière, et chez lesquelles ils ont été puisés les traits de l'homme dans le pur état de nature. Non, quoi qu'on en dise, ce n'est point là encore qu'il faut le chercher et l'étudier. Dans la horde sauvage la plus vagabonde, comme dans la nation d'Europe la plus civilisée, l'homme n'est que ce qu'on le fait être. Nécessairement élevé par ses semblables, il en a contracté les habitudes et les besoins. Ses idées ne sont plus à lui. Il a joui de la plus belle prérogative de son espèce, la susceptibilité de développer son entendement par la force de l'imitation et l'influence de la société. On devait donc chercher ailleurs le type de l'homme véritablement sauvage, de celui qui ne doit rien à ses pareils, et le déduire des histoires particulières du petit nombre d'individus qui, dans le cours du XVIIe siècle, ont été trouvés à différents intervalles, vivant isolément dans les bois où ils avaient été abandonnés dès l'âge le plus tendre. Mais telle était, dans ces temps reculés, la marche défectueuse de l'étude de la science livrée à la manie des explications, à l'incertitude des hypothèses et au travail exclusif du cabinet, que l'observation n'était comptée pour rien et que ces faits précieux furent perdus pour l'histoire naturelle de l'homme. Tout ce qu'en ont laissé les auteurs contemporains se réduit à quelques détails insignifiants, dont le résultat le plus frappant et le plus général est que ces individus ne furent susceptibles d'aucun perfectionnement bien marqué, sans doute parce qu'on voulut appliquer à leur éducation, et sans égard pour la différence de leurs origines, le système ordinaire de l'enseignement social. Si cette application eut un succès complet chez la fille sauvage trouvée en France vers le commencement du siècle dernier, c'est qu'ayant vécu dans les bois avec une compagne, elle devait déjà à cette simple association un certain développement de ses facultés intellectuelles, une véritable éducation, telle que l'admet Condillac quand il suppose deux enfants abandonnés dans une solitude profonde et chez lesquels la seule influence de leur cohabitation dut donner essor à la mémoire, à leur imagination, et leur faire créer même un petit nombre de signes. Supposition ingénieuse que justifie pleinement l'histoire de cette même fille, chez laquelle la mémoire se trouvait développée au point de lui retracer quelques circonstances de son séjour dans les bois, et très en détail, surtout la mort violente de sa compagne. Note de l'auteur. Cette fille fut prise en 1731 dans les environs de Chalon-sur-Marne et élevée dans un couvent de religieuses sous le nom de Mademoiselle Leblanc. Elle raconta, quand elle sut parler, qu'elle avait vécu dans les bois avec une compagne et qu'elle l'avait malheureusement tuée d'un violent coup sur la tête un jour qui en trouvait sous leurs pas un chapelet. Elles s'en disputèrent la possession exclusive. Cette histoire, quoiqu'elle soit une des plus circonstanciées, est néanmoins si mal faite que, si l'on en retranche d'abord ce qu'il y a d'insignifiant et puis ce qu'il y a d'incroyable, elle n'offre qu'un très petit nombre de particularités dignes d'être notées et dont la plus remarquable est la faculté qu'avait cette jeune sauvage de se rappeler son état passé. Dépourvue de ces avantages, les autres enfants trouvés dans un état d'isolement individuel n'apportèrent dans la société que des facultés profondément engourdies, contre lesquelles durent échouer, en supposant qu'ils furent tentés et dirigés vers leur éducation, tous les efforts réunis d'une métaphysique à peine naissante, encore entravée du préjugé des idées innées et d'une médecine dont les vues, nécessairement bornées par une doctrine toute mécanique, ne pouvaient s'élever aux considérations philosophiques des maladies de l'entendement. Éclairé du flambeau de l'analyse, et se prêtant l'une à l'autre un mutuel appui, ces deux sciences ont, de nos jours, dépouillé leurs vieilles erreurs et fait des progrès immenses. Aussi avait-on lieu d'espérer que, si jamais il se présentait un individu pareil à ceux dont nous venons de parler, elle déploierait pour son développement physique et moral toutes les ressources de leurs connaissances actuelles. Ou du moins, si cette application devenait impossible ou infructueuse, il se trouverait dans ce siècle d'observation quelqu'un qui, recueillant avec soin l'histoire d'un être aussi étonnant, déterminerait ce qu'il est et déduirait de ce qu'il lui manque la somme jusqu'à présent incalculée des connaissances et des idées que l'homme doit à son éducation. Oserais-je avouer que je me suis proposé l'une et l'autre de ces deux grandes entreprises? Et qu'on ne me demande point si j'ai rempli mon but? Ce serait là une question bien prématurée à laquelle je ne pourrais répondre qu'à une époque encore très éloignée. Néanmoins, je l'eusse attendu en silence, sans vouloir occuper le public de mes travaux, si ce n'avait été pour moi un besoin autant qu'une obligation de prouver par mes premiers succès que l'enfant sur lequel je les ai obtenus n'est point, comme on le croit généralement, un imbécile désespéré, mais un être intéressant qui mérite, sous tous les rapports, l'attention des observateurs et les soins particuliers qu'en fait prendre une administration éclairée et philanthropique.